Jean Bosco, Douimane. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 6 mars 2019. Voici les grands titres de cette grande édition. Le ministère de la Sécurité publique a présenté ce matin à la presse une personne présumée auteur de violences ayant conduit à brûler vif un citoyen en commune Nyakabiga. C'était en 2015, lors des manifestations. L'on aura des précisions de Pierre Ngourikiye. C'est le porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Et les femmes devraient embrasser différents métiers pour accroître la production comme les hommes. Reportage personnalisé sur une jeune fille de la commune Kayanza. Elle vit de la menuiserie. Et dans la chronique éducation, on revient sur les inconvénients des cours de renforcement sélectif. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour, je venais de vous le dire. Le ministère de la Sécurité publique a montré ce mercredi matin au public un présumé principal instigateur de la violence ayant conduit à brûler vif une personne en commune à Nyakabiga lors des manifestations de 2015. Selon la police, les donneurs d'ordre et les exécutants seront traqués et traduits devant la justice. On écoute les précisions du porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Ngourikiye. Le 20 février passé, les forces de sécurité ont appréhendé ici à la mairie de Bujumbura un certain Ntakirutimana Célestin, l'homme qu'on vient de vous présenter, et qui est accusé d'avoir brûlé vif un autre jeune homme lors de l'insurrection de 2015. C'était à Nyakabiga, ici à mairie de Bujumbura. Et pour bien l'identifier sur la vidéo qui est d'ailleurs présente sur Internet et qui est accessible à tout le monde, et c'est là pour bien l'identifier, c'est la personne qui avait deux sifflets et qui avait un mégaphone, et qui a mis par terre l'homme qui a été brûlé par après. Il n'a pas nié les faits, il ne pouvait même pas les nier, parce que c'était de l'évidence, la vidéo était là. Il a reconnu les faits, lui reproché. Et maintenant alors, un dossier va être confectionné pour lui, et il va rejoindre le grand dossier des insurgés, des putschistes, qui est déjà traité par la justice burundaise. Le message que nous voudrions adresser à notre public par cette occasion, c'est de lui informer que toute personne qui a participé de quelque manière que ce soit dans l'insurrection de 2015 et qui a commis des crimes, des infractions, donc qui a tué les gens, qui a blessé les gens, qui a détruit les infrastructures, qui a mis du feu sur les véhicules, et partout où cette personne se trouve, elle continue à être recherchée par les forces de sécurité burundaises jusqu'à ce qu'il soit traduit devant la justice pour qu'il réponde de ses actes. Et nous voudrions aussi informer le public que ce ne sont pas les exécutants qui sont visés, même les instigateurs, les auteurs intellectuels de ces différents crimes, de ce mouvement insurrectionnel, ils continuent à être appréhendés. C'était Pierre Ngourikiye, porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Grogne des éleveurs fournisseurs de lait à la coopérative de Mubuga en commune et province Ngozi. Ils s'inscrivent en faux contre la chute du prix d'achat de leurs produits où le litre se vend à 400 francs burundais contre 600 francs le litre il y a quelques mois, alors que les moyens dépensés pour nourrir leurs vaches ne cessent de grimper. Le conseiller de l'administrateur chargé du développement dit être au courant de cette situation. Il envisage une réunion de tous les intervenants en la matière. Nous appelons notre correspondant Ngozi, Apollinaire Moussakara. Ces éleveurs indiquent qu'ils ont débuté la fourniture à cette coopérative avec un prix de 620 francs le litre, puis 600 francs quelques jours après des consultations avec la société Modern Dairy Burundi qui achète ce lait pour l'amener à Bujumbura en vue de la transformation. Le prix a été fixé à 500 francs pour le litre, dit ces éleveurs. Mais ces derniers ont été étonnés d'entendre actuellement qu'ils seront payés à 400 francs le litre à cette coopérative. Ces éleveurs, pour la plupart bénéficiaires des free zones offertes par le Prodéfi, déplorent la baisse continuelle du prix d'achat malgré la hausse du coût de prise en charge alimentaire et sanitaire de ces bovins qui se nourrissent dans leurs étables. Ils demandent par conséquent à qui de droit d'intervenir à temps afin de les sauver. L'administration est au courant de cette situation, répond le conseiller de l'administrateur communal d'Ongozi chargé du développement. Athanase Nunguka parle d'une prochaine réunion de tous les intervenants afin de trouver une solution qui tiendra compte de l'intérêt de ces éleveurs. D'Ongozi, Apone Muzagara, Radio Sanganyiro. Merci Apollinaire Dongozi. Nous nous rendons à Kirundo où l'administration provinciale appelle la population touchée par l'insécurité alimentaire à s'investir dans d'autres secteurs de la vie, notamment le commerce et la pêche. Ce conseil a été donné ce mardi par le gouverneur de cette province lors de la distribution de vivres aux 22 ménages plus affectés par la famine. Alain Tribert Motabazi affirme qu'il compte initier dans l'avenir les techniques d'irrigation collinaire. Avec l'appui du gouvernement, suivez-le, il est au micro de Jean-Marie Vianney, Ngendakoumane. Quand il y a des déficits hydriques, quand il y a de la sécheresse, ici dans les communes d'Obusoni, Bugabira et Kirundo, quelques collines, on ne parvient pas à faire le semis, mais il n'y a pas de récolte. C'est même difficile de cultiver. À cela, on peut ajouter que depuis la crise, il y a eu une destruction de l'environnement. On coupait beaucoup les arbres, mais qu'il y a aussi une démographie galopante. La province de Kirundo a un taux de croissance qui est plus élevé par rapport aux autres provinces. C'est pourquoi on a observé des phénomènes de famine, mais aussi parce que les gens auparavant ne savaient pas cultiver dans les marais. Et là aussi, ça a contribué, puisque si la population augmente, il faut avoir aussi beaucoup de méthodes culturales. La terre aussi n'est pas très fertile comme auparavant, mais de telle manière qu'on a besoin de cultiver avec de la fumure, on a besoin de fertilisants pour bien cultiver et pour bien récolter. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour éradiquer d'office cette situation de la famine et de la sécheresse qui a affecte votre province? Dans le programme du gouvernement, Ewe Burundi Rambaye, on a déjà commencé à planter les arbres agroforestiers, les arbres fruitiers pour sauvegarder de l'environnement, pour donc lutter contre la déforestation. On veut qu'avec les actions du gouvernement, avec les partenaires, les ONG, pratiquer une irrigation collinaire, c'est-à-dire en construisant les réservoirs d'eau en amont. Et puis, comme toutes ces zones sont entourées par des lacs, on va utiliser les motopompes pour pomper d'eau jusque dans les hôtels, dans le réservoir, et puis après, on va irriguer les champs qui sont en aval du réservoir. C'était le gouverneur de la province de Kirundo, Alain Tribert Motabazi, au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakoumane. Une fois n'est pas coutume, on passe à l'actualité internationale avant de revenir sur l'actualité nationale. En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola qui frappe la partie orientale du pays depuis le mois d'août 2018 a déjà fait plus de 500 victimes. Le ministre de la Santé, Dr Oli Ilunga, a fait le point ce mardi 5 mars à Kinshasa et s'est montré optimiste sur le dispositif de riposte mis en place. Et le ministre de la Santé affirme que cette épidémie est bien différente d'autres épidémies de la même maladie qu'a connu le pays et le continent Afrique. Malgré la complexité de l'épidémie, le ministre note, selon les termes, l'efficacité de la riposte. Je cite, « Les vrais experts savent que sans la riposte, on ne parlerait pas de 900 cas, on parlerait de plus de 20 000 cas et de dizaines de milliers de morts. C'est ça la réussite de la riposte, d'éviter sa propagation à toutes les grandes villes. » Fin de citation. Au total, on note 900 cas, dont 835 confirmés et 65 probables avec 565 décès et 304 personnes guéries. Et la police nigérienne a démantelé un réseau clandestin de fabrication de produits pharmaceutiques dans la capitale, Niamey. Il s'agit pour l'essentiel de vitamines et des aphrodisiaques d'un poids total d'environ 10 tonnes. Ce sont des décoctions à base de plantes préparées dans des conditions insalubres et mises en bouteille sur place. Des produits qui sont destinés à l'exportation au Nigeria, mais une bonne partie est écoulée sur le marché national. Les propriétaires de pharmacies reconnues officiellement ont toujours dénoncé ces réseaux clandestins de fabricants de produits pharmaceutiques. 12 personnes faisant partie du réseau ont été présentées aux médias par l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. À la source, reportage. Les femmes devraient embrasser différents métiers pour accroître la production au rythme des hommes, selon le conseiller chargé des questions administratives et sociales dans la commune de Kayanza. Sylvestre Nsagouye donne l'exemple d'une jeune fille de sa commune qui vit de la menuiserie. Cette fille confirme que rien n'est difficile dans ce métier et que tout s'apprend. Placide Niomongele l'a rencontrée dans son atelier. Voici son reportage. Consolate Ndaikeze, une jeune fille de 19 ans, exerce son métier de menuiserie dans le centre de parc au chef-lieu de la province Kayanza. Nous la trouvons en train de scier une planche. Son atelier est entouré par des menuisiers et témoigne qu'elle a pensé à ce métier après avoir reçu des conseils de la part de ses compagnons. J'ai vu que la vie est dure et que l'avenir se trouve dans les métiers. Puis j'ai entendu des jeunes échanger sur la menuiserie, comme quoi si une femme s'y investit, ce serait intéressant. Par après, j'ai pris la décision d'apprendre ce métier. Consolate a d'abord demandé la formation dans ce centre dénommé PAC et a eu la chance d'être retenue pour avoir un espace où installer son atelier. Ils m'ont encadré et je suis restée dans cet atelier pour améliorer davantage jusqu'à aujourd'hui. Parmi les objets fabriqués par Consolate se trouvent des salons à manger, des armoires et autres. Je fabrique des chaises, des salons à manger, des armoires. J'essaie de fabriquer des lits et divers objets dans le bois. Je parviens à écouler mes produits doucement car les clients viennent à compte-gouttes. Ils ne se plaignent pas, ils sont plutôt surpris par mon métier. En ce qui est de la matière première dans la planche, Consolate Ndaikeze explique que le stock est constitué à partir de l'argent récolté après avoir écoulé les produits fabriqués. Nyandu Anissé, c'est un menuisier de ce centre de Kayanza. Il affirme que Consolate, la menuisière, fait son travail de même manière que les hommes et qu'elle ne peut pas être distraite par les autres menuisiers. Elle accomplit ses tâches convenablement sans se plaindre. Nous voudrions qu'elle aussi fasse des progrès dans son métier. Elle quitte chez elle avec un programme depuis la veille. Elle vient avec un but précis. Personne ne peut pas la distraire car elle aussi est au travail. À la question de savoir si Consolate ne rentrait pas épuisée le soir à cause de la fatigue, elle dit qu'au départ elle avait peur, mais pour le moment, elle s'est familiarisée avec la menuiserie. Avant, je m'interrogeais comment je pouvais insérer la planche dans la machine ou utiliser le rabot. Pour le moment, je vois que c'est simple. Quant à la force, je m'habitue progressivement. Pour le conseil communal chargé des questions administratives et sociales à la commune Kayanza, il ne devrait pas y avoir un métier pour homme ou femme. Sylvain Sensagouye trouve qu'une femme dans un métier peut marquer une différence. Qu'il n'y ait pas de métier qui soit considéré comme destiné aux hommes, parce que les femmes, elles aussi, peuvent les exercer. Et quand elles se lancent dans ces métiers, on remarque qu'elles les exercent très bien. Les femmes sont également reconnues pour une grande confiance par rapport aux hommes. Elles pourraient peut-être faire la différence par rapport aux hommes. Consolate Ndaikeze, la menuisière de plus de 3 ans dans le métier, témoigne que la menuiserie lui permet de satisfaire tous ses besoins et ceux de ses petites sœurs. Radio Isanganiro, chronique éducation. Les cours de renforcement communément appelés cours du soir, assurés d'une manière sélective, causent une inégale acquisition de connaissances. L'expert en pédagogie et professeur d'université Élisée Nyonzima explique que cela est dû au fait que les parents des apprenants n'ont pas les mêmes moyens pour payer ces cours. Il est donc conseillé que ces cours de renforcement soient dispensés par des enseignants compétents et aux responsables des écoles de contrôler que ces cours sont dispensés à tous ceux qui en ont besoin. La chronique éducation de ce mercredi vous est préparée par Elie Nibel Nibigila. Dans notre précédente chronique éducation, l'on vous a parlé de la définition des cours de renforcement, communément appelés cours du soir, et de ses facteurs. L'expert en pédagogie, Élisée Nyonzima, affirme que ces cours ne posent pas de problème, mais que lorsqu'ils ne sont pas dispensés à l'école, ils deviennent sélectifs, ce qui cause l'inégale acquisition de connaissances. Si c'était bien organisé, l'on devrait systématiquement connaître le niveau de chaque étudiant ou de chaque élève qui sollicite le renforcement dans un cours. Nous pouvons quand même remarquer que certains parents peuvent ne pas être capables de faire ce suivi. Il y a des parents qui ont des moyens, puisque ces cours sont payants. Quand ils sont organisés en dehors de l'école, ils sont payants. Les enseignants qui les organisent demandent de l'argent. Alors, certains parents peuvent ne pas connaître les difficultés de leurs enfants. Ça devient un problème. Il y a des parents qui, connaissant les difficultés, peuvent ne pas se payer ces cours de renforcement. C'est pas facile. Ces enseignements doivent être donnés par des personnes compétentes que ce soit les parents ou des enseignants. Ce pédagogue trouve que les parents qui s'efforcent de dispenser les cours de renforcement, malgré leur incompétence, déroutent l'apprenant. Il y a aussi des parents qui, s'ils sont intellectuels, qui ont des diplômes, mais qui malheureusement ne sont pas capables de former leurs enfants. Comme certains prétendent leur dire que les parents n'aident pas leurs enfants. Non, les parents ne sont pas des enseignants. Il y en a qui sont enseignants, là ça va très vite. Ils ne payent pas des cours de renforcement. Plutôt, ils payent son temps. Celui-là, s'il est enseignant, même s'il ne l'a pas appris systématiquement, il est capable de se documenter. Mais il y a d'autres qui sont des parents intellectuels qui ne sont pas capables. L'expert Niondima considère qu'avant de donner les cours de renforcement, il faut d'abord se rassurer que réellement l'élève en a besoin. Et selon toujours lui, les parents sont conseillés de ne pas donner les cours dits du soir alors qu'ils en sont incompétents. L'école voit qui sont faibles. Cette fois-ci, réellement, qui sont faibles en mathématiques, qui sont faibles en biologie, qui sont faibles en français, ainsi de suite. L'école sait identifier, sans se tromper, qui ont besoin de renforcement. Là, si c'était organisé à l'école, c'était vraiment une très bonne chose, parce que l'école connaît ces enfants-là. Alors que l'enseignant qui les reçoit à l'extérieur de l'école, pour certains, ne se donne pas le temps de connaître, d'entrer en profondeur pour connaître, ne fût-ce que faire une sorte d'analyse de leurs résultats. Au niveau des parents, il y en a qui peuvent distinguer vraiment que l'enfant a besoin des cours de renforcement. Donc le parent, quand il a vu le pourcentage, il dit « Écoute, je ne sais pas aider mon enfant, puisque je ne sais pas l'aider, il faut que je trouve quelqu'un. » À côté de ces conseils, le pédagogue Élisée Nyonzima demande que les cours de renforcement soient assurés pour tout le monde qui en a besoin et par des enseignants compétents. Merci Eli Nibel Nibigira, merci Élisée Nyonzima pour ses éclairages sur les inconvénients des cours de renforcement sélectif. Ainsi se referme ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. Ce journal a été mis en onde par Alphonse Koubimana. Au micro Jean Bosco Nduimana, passez un très bon après-midi.